Dépressive Witches, Waterhole, c'est la doublette qui va nous permettre de quitter tranquillement l'aspect français dans l'émission Le Banger de ce soir. Dépressive Witches, tout d'abord, formation qui nous vient du nord de la France, de Picardie pour être plus précis. Le duo actif depuis 2018 sort là son troisième album studio. On est sur un black, black and roll, même heavy punk, c'est catchy. Et puis en même temps, old school, zéro prise de tête. Ça va pas chier bien loin en termes d'inspiration. Et pour autant, ça sonne pas trop facile ou paresseux. Ça s'écoute vraiment très très bien et surtout ça s'apprécie sur la durée. Depressive Witches. En doublette, Waterhole, récente formation nantaise de Hardcore Death. C'est la première démo qui vient de voir le jour. Trois titres pour 8 minutes d'un solide et bien lourd mélange des genres avec déjà une prod ultra mouse. Donc voilà, la qualité bien au rendez-vous pour une seulement toute petite démo. Trois titres pour Waterhole. Au niveau des morceaux, Depressive Witches, Wasted Witch, extrait album Lost, Forgotten et Heartbroken. Waterhole ensuite, This World Was Never Made For Me. Et c'est tout simplement le nom de cette démo. C'est parti. International avec une autre nouveauté dans l'émission de ce soir, Das. Là, il y a un petit peu à dire. C'est une formation américaine qui oscille entre Melodeath et Groove Metal, avec des éléments un peu plus indus orchestraux. Le groupe vient de sortir là son cinquième album studio. C'est le premier opus depuis 14 ans, puisque le groupe a plus ou moins splitté entre 2013 et 2022. Au niveau du line-up, gros changement avec depuis 2 ans deux nouveaux Zikos intégrés, deux Allemands, notamment un ex Obscura. Le groupe évolue maintenant à 3 guitares et derrière la batterie, on retrouve Crime, notamment tapeur chez Septic Flesh, ex Decapitated, etc. Donc une formation devenue internationale à l'heure actuelle. Nouvel effort, 9 titres pour 45 minutes de leur recette très travaillée, très riche en arrangements, avec une base death metal extrêmement intéressante. En doublette avec Das, on prend pas trop le temps de réfléchir, puisqu'on va s'écouter un titre du nouvel effort studio de Terminal Nation, du death hardcore qui nous vient de l'Arkansas, actif depuis une dizaine d'années. Récemment, c'est le second album studio qui vient sortir de chez 20 Buckspin. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, si ce label se met à sortir des groupes qui auraient pu avoir leur place chez Triple B ou Days Record, mais où va-t-on ? 12 titres pour une quarantaine de minutes bien colère. On est dans une vibe Xibalba, Fuming Moose, avec voilà ce bon crossover Death Old School, Hardcore Old School, qui cogne, ultra engagé forcément. A noter plusieurs guests de renom, Todd Jones de Nails, Do It Alien de Antigrity et Jess Leach de Killswitch Engage. Au niveau de ce qu'on va s'écouter tout de suite, Death, le morceau Ascension, extrait d'album de Decisors, pour le coup l'album de Decisors pas beaucoup, Terminal Nation, le morceau Dying Alive, extrait de l'album Echoes of the Devil's Den, c'est parti. Tu veux du sale, en veux-tu, en voilà, avec la prochaine doublette de l'émission de ce soir. Extinguish tout d'abord, et puis juste derrière Tsum Pantley. Extinguish, donc, on est sur du hardcore qui nous vient de Californie, actif depuis une poignée d'années. Le premier album studio vient de sortir chez Days Record, après une volée d'EP de démo. 9 titres pour 20 minutes d'un hardcore bien, bien, bien colère. Je sais, je donne vachement l'impression de me répéter, mais que voulez-vous, c'est l'efficacité avant tout. Recette assez classique dans les lignées d'un vieux Marauder ou Hatebreed, et ça rigole zéro niveau baston. Tsum Pantley, ensuite une autre sortie, Toonie Buckspin, le collectif californien actif depuis 2019 seulement, vient de sortir son second album studio. Un Death Doom bien lourd, bien, bien, bien gras et baveux, des thématiques liées aux civilisations précolombiennes, et les membres du groupe ayant tous et revendiquant tous des origines préhispaniques. Dans le line-up, on retrouve deux membres de Xibalba, un autre de Dead Heat ou autre de Kiverus. Voilà, c'est forcément des types avec des origines notées des environs géographiques. Tsum Pantley, ça désigne une structure faite en poteaux de bois sur lesquels on venait empaler les crânes humains victimes des sacrifices en mésoharmonique. Tout un programme, et c'est littéralement ce que nous propose son Pantley. On se fait broyer le caisson avec le sourire. Extinguish, Price of Pain, pardon, extrait de l'album One Less Enemy. Chichimecta, extrait de l'album Beating the Drums of Ancestral Force, extrait du nouvel Force Studio de Tsum Pantley. Tout un chouette programme. I'm sure. pas fini avec le cassage de gueule hein, dans l'émission de ce soir. Unhallowed Deliverance et Rust, c'est la doublette qu'on va s'écouter tout de suite. Unhallowed Deliverance, groupe allemand actif depuis 2017, qui vient de sortir là son premier album, sa première production même, tout simplement en termes de studio. Il commence très très fort avec ce premier album qui mélange tech death, brutal death, avec des éléments deathcore et des parties slamisantes. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en 2024 en termes de slamming deathcore en Europe. C'est riche, c'est inspiré, varié, ça demande pas mal d'écoute et il n'y a pas trop de chichi au niveau des arrangements. Et personnellement, je trouve ça vraiment très plaisant. Cette technique, juste comme il faut. Rust, ensuite, groupe de hardcore qui nous vient du Canada, actif depuis 2019. C'est un nouvel EP qui vient de voir le jour, le troisième pour le groupe, 5 titres pour 15 minutes d'une bonne baston New York hardcore avec le groove du hardcore du Midwest. Ça va chercher du côté de Terror, Backtrack et même Hatebreed en termes d'influence. Au niveau de ce qu'on va s'envoyer dans les oreilles, Unhallowed Deliverance, Treaties of the Lowest Realm of Man, extra d'album of Spectres and Strife, Rust, le titre Forced to Die, extrait de l'EP True Decline. C'est parti. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Achieve. Assez peu de black metal dans l'émission de ce soir, et assez peu de heavy, beaucoup de death, beaucoup de hardcore, et en même temps c'est tellement qualitatif ce qu'on a l'occasion d'avoir en ce moment. Du coup, on se refait une doublette de groupes qu'on a déjà écouté un peu plus tôt dans l'émission, Pathology, Contention, deux formations ricaines, pareil, beaucoup de formations très qualitatives venues des US ces dernières semaines. Punishment Beyond Comprehension, extrait de l'album Unholy Descent pour Pathology. Contention, juste ensuite Revenge Directive, extrait de l'album Artillery from Heaven. On a fait les présentations un petit peu plus tôt dans l'émission, on perd pas de temps et on s'envoie de la tendresse dans les oreilles. Et on clôture l'émission de ce soir de manière un peu spéciale avec deux doublettes pour faire un peu la promo du Super Bowl, même si à l'heure à laquelle je vous parle, le festival est complet, c'est pas grave, nous on va y aller pour la seconde fois, enfin eu l'occasion d'y aller pour la toute première fois l'année dernière. Quel immense plaisir de découvrir ce fest de hardcore à Rennes, comme on en a peu en France, il y en a, mais dans cette vibe-là, pas des caisses. Judge, Bane, tout d'abord, deux gros morceaux du vendredi soir, même les deux headliners du vendredi soir du Super Bowl. Give It Up pour Judge, extrait de l'album Bringing It Down, Bane ensuite All The Way Through, extrait de l'album Don't Wait Up, c'est sorti en 89 et en 2014, et ça joue dans quelques jours à Rennes du côté du Super Bowl, c'est parti. Intimidation, it could have been sincere. Intimidation. Et voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Dernière doublette dans l'émission Hellbanger de ce soir. On se quitte avec une dernière doublette consacrée au Super Bowl of Hardcore qui aura lieu à Rennes dans une semaine. On est pareil sur de la légende et au contraire des groupes qui sont sur la mid-scène mais qui défoncent Royal. Cold Hard Truth, un des meilleurs groupes de beatdown européens depuis quelques années déjà. On va s'écouter un extrait de l'album Truth Getta qui était sorti en 2016, Violence is the Answer. C'est clairement le message que véhicule à 100% Cold Hard Truth. Et ensuite, une autre formation de légende avec Judge Bane. On retrouvera la Death Before Dishonor. On va s'écouter un extrait de l'album de 2009, Better Ways to Die, avec le morceau Coffin Nail. Sur ce, excellente fin de soirée et d'émission à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour la avant-dernière émission, dernière émission en différé. Et on clôturera la semaine d'après avec une dernière émission en direct. Et on retrouvera Emile de Riposte pour nous parler du Ripfest qui aura lieu une semaine plus tard. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao. Many as it, you just spent your days alone hiding from me. And Can save you from my head.